Alors je vous laisse libre cours maintenant pour continuer, soit pour nous faire voir les différents aspects de l'initiation, par exemple, les catégories. Y a-t-il des catégories d'initiation ? Bon, alors je vais m'adresser à la salle. Le concept de l'initiation, c'est un concept qui est très vieux, qui fait partie de la conscience de l'humanité. Mais c'est un concept qui évolue comme toute autre chose dans la vie évolue. Et nous sommes arrivés à la fin du XXe siècle, où l'homme, l'humanité, mais je parle de l'homme, parce que quand je parle de l'humanité, je parle toujours de l'homme d'abord, qui fait partie de l'humanité. Je ne parle pas de l'humanité qui englobe l'homme, je parle toujours de l'individu. D'ailleurs, quand on parle d'initiation, on parle de l'individu. L'homme, en tant qu'individu, est arrivé à un point où il doit, inévitablement, sur le plan individuel, il doit en arriver à une finalisation de son contrat de vie. Il doit en arriver un jour, dans cette vie, dans sa vie, à pouvoir finaliser son contrat de vie. Autrement dit, à pouvoir avoir, posséder entre ses mains, dans son mental, une comptabilité parfaite de sa vie. Il doit savoir qu'est-ce que c'est la vie. Il doit avoir été dépouillé complètement des mystères de la vie qui sont des illusions du mental inférieur. Il doit avoir un respect parfait pour l'humanité, pour l'homme, pour son frère, mais il doit aussi avoir une capacité intégrale de conscience identique à lui-même. Il doit être un homme capable de déchiffrer la vie. Et la vie, ça se déchiffre. La vie, ça se déchiffre sur le plan scientifique, ça se déchiffre sur les plans inférieurs, donc ça se déchiffre aussi sur les plans subtils. La vie, c'est une totalité. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mystère. C'est une réalité, mais dont on ne connaît pas les mécanismes, parce que ces mécanismes font partie de la découverte de l'homme nouveau. Ils font partie de la découverte que feront les nouveaux initiés, ceux qui passeront de l'involution à l'évolution. L'involution, c'est cette période qui a permis à l'homme de développer un intellect, qui a permis à l'homme de développer un intuitif. Et l'évolution, ce sera cette autre période au cours des siècles qui viennent, où l'homme sera obligé de développer un troisième cerveau. Nous savons que matériellement, l'homme possède deux cerveaux. Cerveau droit, cerveau de gauche. Un cerveau qui lui permet de rationaliser, d'ordonner ses pensées, et un autre cerveau qui lui permet d'intuiter quelque chose en lui-même dont il ne comprend pas parfaitement la configuration. Et ces deux cerveaux qui font partie de l'homme font partie aussi de la gestion polarisée de son savoir. C'est-à-dire que l'homme de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les cultures est obligé de se servir d'un cerveau ou de l'autre pour avoir accès à ce que nous appelons un certain savoir. Mais ce savoir, il est toujours polarisé. Il est fondé sur la conception du bien et du mal, sur le plan racine de la conscience, et il s'arrête là. Il ne va pas plus loin, il n'y a pas de synthèse. Autrement dit, l'homme de l'évolution ne possède pas les outils permanents de sa conscience parce qu'il ne sait pas encore utiliser un troisième cerveau qui fait partie de sa conscience, que l'on peut appeler le cerveau éthérique, c'est sans importance, mais un troisième cerveau qui fait partie de sa conscience, qui n'est pas utilisé consciemment par l'homme et qui, à cause de ceci, réduit l'homme à vivre d'une connaissance polarisée. Et ceci fait partie de l'évolution, mais ceci comporte de très grands dangers. Parce que lorsque l'homme est obligé de vivre toutes ses expériences humaines à l'intérieur du bien et du mal, ou d'une échelle de valeur qui va du bien au mal, l'homme vit une tension existentielle que certains philosophes appelaient, par exemple, durant le premier quart du siècle, le « angst ». L'homme vit une anxiété, et ce n'est pas normal que l'être humain vive une anxiété. L'anxiété, c'est un déchirement de l'homme. C'est le produit de son incapacité de formuler une synthèse à l'intérieur de la polarité de son savoir intuitif et rationnel. Donc, vivre une anxiété existentielle, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, ça fait vieillir, ça empêche l'homme de découvrir son identité. Et à la fin du 20e siècle, nous sommes arrivés à un point où il y a des hommes sur la Terre qui ont finalement entré dans cette initiation que souvent nous appelons solaire, pour la différencier des anciennes qui étaient plutôt lunaires. Et cette nouvelle initiation permet à l'homme, à l'individu, de finalement reprendre le contrôle de son évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprendre le contrôle de son évolution. Reprendre le contrôle de son évolution, ça veut dire effectivement contrôler sa façon de voir la vie, sa façon de penser la vie, sa façon d'intuiter la vie, sa façon de raisonner la vie, par l'activité ou l'action d'un autre principe en lui qui a toujours été caché à l'humanité. Un principe fondamental à sa conscience, qui fait partie de son esprit, qui fait partie de sa doublure spirit, qui fait partie de sa réalité, et qui seul peut intégrer le cerveau gauche et le cerveau droit, qui seul peut donner au positif et au négatif de sa conscience un équilibre total. Si vous regardez dans le monde, même sur le plan scientifique, sur le plan de la matière, vous remarquerez que jamais, jamais, à aucun niveau de la réalité, ne peut exister une phénoménologie qui est polarisée. Absolument. Si je tiens le verre, il est attiré par la gravité, il est maintenu par ma main, mais il est contrôlé par mon mental. Autrement dit, il y a dans toute phénoménologie, dans toute ontologie phénoménale et dans toute phénoménologie ontologique, il y a toujours trois forces. Dans la nature, à tous les niveaux de l'organisation systémique, intersystémique, mondiale, intermondiale, galactique, moléculaire, atomique, il y a toujours trois forces agissantes. Et nous, les hommes, nous avons agi sur le plan de notre conscience depuis des millénaires avec deux forces. La force du cerveau droit, la force du cerveau gauche. Nous avons utilisé l'intuition et le rationnel. Et nous avons cru qu'à l'aide de l'intuition et du rationnel, nous étions capables de composer avec le monde, comprendre des aspects aussi énigmatiques que la vie, comprendre des aspects aussi éthérés que la pensée, comprendre une phénoménologie intuitive directement reliée aux forces de l'âme. Comprendre l'âme, c'est impossible. Comment voulez-vous que l'homme puisse comprendre les souterrains de la réalité à partir d'une intuition qui n'est pas sous son contrôle et à partir d'une raison qui est limitée par sa vision sensorielle du monde dans lequel il vit? C'est impossible. Par le passé, les hommes qui ont eu accès à des données plutôt occultes de la réalité passaient des périodes dans des temples dans différents pays du monde et ils vivaient ce que nous appelons une initiation astrale. Initiation astrale qui est relevée dans tous les bouquins ésotériques et occultes du monde occidental et oriental. Mais c'est que l'homme plus marginal, plus évolué, plus spirituel, plus avancé de la pensée subtile n'a jamais réalisé, c'est que l'initiation astrale ne peut pas rendre l'homme libre, elle ne peut que le spiritualiser. Autrement dit, elle sert à ouvrir les centres qui rendent son intuitif plus puissant que son rationnel. Donc, l'humanité a été divisée en deux camps. Nous avons eu le camp du rationalisme, qui est devenu très puissant avec le 17-18e siècle. Et nous avons eu le camp de l'intuition, le camp des religions, le camp des métaphysiques, qui aussi a maintenu une puissance pendant des siècles. Et ces deux camps se sont fait la guerre, parce que ces deux camps ont voulu maintenir, garder l'homme, l'humanité, à l'intérieur d'une configuration collective qui ne fait pas partie de la destinée de l'individu, mais qui fait partie de l'évolution de la société. Et l'homme, pendant des siècles, l'homme non individualisé pendant des siècles, a recouru de temps à autre à certaines lumières historiquement représentatives de l'évolution progressive de l'humanité. Diderot, Victor Hugo, les grands penseurs, Saint Thomas d'Aquin. Et l'homme s'est fié à ces lumières. Et ces lumières ont été récupérées par les sociétés, par les groupes, par les organisations, par les puissances mondiales, autant temporelles que spirituelles. Et l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, il est dans une situation où il a perdu le pouvoir, où il a perdu la capacité d'être lui-même, où il a perdu la capacité de savoir par lui-même, d'une façon universelle, les constants attributs d'une conscience en évolution qui ne s'arrête pas à l'intuition, qui ne se ferme pas à la raison, mais qui s'ouvre sur l'infinité du mental supérieur de l'homme. Il est évident que l'homme, l'individu, cette pièce charnelle, habitée par un esprit, ne peut pas recouvrir la vue à partir de ses vérités ou de ses mensonges, ou de ses formes de connaissances, qui diluent son identité et lui permettent de performer sur le plan spirituel ou de performer sur le plan technique, rationnel et scientifique. Qui parmi vous dans cette salle a la puissance, la capacité créative de savoir quoi que ce soit par lui-même? Je mets n'importe qui en défi. Qui parmi vous n'est pas suffisamment sensible à la réalité de la puissance du mémoriel rationnel ou intuitif de sa conscience? Qui n'a pas la notion que son être-té philosophique, psychologique, métaphysique est fondée sur l'appropriation des données ignorantes d'une humanité codifiées pour le contrôle idéologique des masses? Et évidemment, le contrôle idéologique de l'homme. Pourquoi croyez-vous que les hommes, que certains hommes dans le passé de l'humanité ont été obligés de mettre leur vie à prix pour faire passer certaines données qui ne pouvaient pas être acceptée volontairement par une hiérarchie qui soutenait le pouvoir, qui maintenait le pouvoir à travers les connaissances intuitives d'une humanité ou les connaissances rationnelles d'une même humanité? Mais est-ce que l'homme sera toujours obligé de mettre sa vie en danger pour savoir? Est-ce que l'humanité sera toujours obligée d'aller contre le mur pour savoir? Elle est là, la question. La question n'est plus la question de Shakespeare. Nous avons dépassé le stage de la question shakespearienne. To be or not to be. Être ou ne pas être. À partir du moment où l'homme possède une conscience, il est. Donc ce n'est pas une question à se poser. C'est une question philosophique. C'est une question métaphysique. Mais ce n'est pas une question réelle. Et nous avons été emmerdés par ces questions pendant des siècles, et aujourd'hui, nous bavardons dans les salons, nous bavardons dans les universités, nous bavardons dans le monde, nous nous lançons la balle de la parole inerte, parce que nous sommes obligés de trafiquer avec des données qui font partie de l'intuitif de l'homme, du rationnel de l'homme, mais qui ne font pas partie de la conscience réelle de l'homme. Et aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, alors que de nouvelles connaissances entrent, influent, se diffusent dans le monde, non pas à partir d'un plan intuitif, non pas à partir d'un plan contrôlé par les forces de l'âme ou contrôlé par des entités, non pas à partir d'un plan qui est rationnel, mais à partir d'un autre plan qui fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui la conscience supramentale. Mais le problème de l'homme, et quand je parle du problème de l'homme, je regarde l'homme en tant qu'individu, je ne pense pas à l'humanité. L'humanité a un très long chemin pour évoluer. Je parle de l'homme en tant qu'individu. L'homme en tant qu'individu doit en arriver à recouvrir la vue dans une vie. Pas dans 5, 10, 15 vies, dans une vie. Mais pour que l'homme recouvre la vue, pour que l'homme en arrive au contact avec lui-même, il faut qu'il prenne conscience de la mécanique de la raison. Il faut qu'il prenne conscience de la mécanique de l'intuition. Il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est la polarité de sa conscience. Il faut qu'il réalise jusqu'à quel point son émotivité entrave le développement naturel de son intelligence dite universelle. Il faut qu'il réalise que dans son émotivité, il y a de l'intuition, il y a de la raison, il y a des formes qui ne font pas partie de lui, mais qui font partie d'une conscience psychosociale. Autrement dit, d'une conscience qui, constamment, historiquement, pendant les siècles, ne s'occupe pas de l'individu, mais s'occupe de l'humanité, de l'homme social, de l'homme collectif. Et avant d'aller plus loin dans mon discours, je vais vous dire une chose, que jamais l'humanité, dans ce cycle d'évolution qui durera peut-être 2500 années, jamais l'humanité collectivement n'aura accès à ce troisième cerveau. Autrement dit, nous sommes arrivés à un point aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, où nous devons comprendre que l'humanité, collectivement et individuellement, représente un être ou des êtres programmés. Nous sommes des êtres programmés. Toujours programmé avec les meilleures intentions du monde, mais tout de même programmé. Et programmé veut dire quoi? Veut dire que les pensées que nous avons, que la connaissance que nous possédons, est une connaissance qui est polarisée et qui sert le pouvoir dans le monde. Elle sert le pouvoir dans le monde, cette connaissance, parce que l'autorité de cette connaissance est dans les mains des pouvoirs temporels ou des pouvoirs spirituels. Cette autorité n'est pas dans les mains de l'homme en tant qu'individu. Quelle autorité avez-vous individuellement sur le plan de la connaissance? Allez dans une université, allez dans une chaire, allez dans un presbytère, allez quelque part dans le monde avec de la connaissance qui naît de votre troisième cerveau et vous verrez la lutte, le combat entre l'homme individualisé et l'homme collectif. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'individu. Ah! Que nous parlions comme les ésotéristes le font ou l'ont fait, de choses mystérieuses. C'est bien. Que les sciences ésotériques ou que les sciences occultes aient fait tableau de certaines réalités qui font partie de certains plans, de certains mondes parallèles. J'acquiesce. Que la science fasse état de certaines réalités qui font partie du monde matériel. J'acquiesce. Mais ce à quoi je n'acquiesce pas en tant qu'homme individualisé, c'est que on m'enlève le pouvoir de contester ce qui est autoritativement imprégné dans la conscience de l'homme par des pouvoirs quelconques, que ce soit des pouvoirs spirituels, que ce soit des pouvoirs religieux, que ce soit des pouvoirs ésotériques, occultes ou purement scientifiques. Et elle est là la lutte de l'homme nouveau. Les hommes qui, au cours du 21e, 22e siècle, les hommes qui viendront durant la prochaine époque seront obligés pour la première fois depuis le début de l'évolution adamique sur cette planète, ils seront obligés pour la première fois de savoir par eux-mêmes et ils seront obligés de comprendre ce que ça implique, savoir par soi-même. Et lorsqu'un homme sait par lui-même, il n'est plus polarisé dans sa connaissance. Donc, il n'a plus besoin de faire valoir sa connaissance. Parce que faire valoir sa connaissance, c'est simplement une attitude mécanique de l'ego insécure. Donc, les hommes auront cette connaissance, vivront de cette connaissance, garderont cette connaissance, diffuseront cette connaissance, feront connaître cette connaissance à ceux qui peuvent la savoir, la comprendre, travailler avec, la faire fructifier. Et ces hommes formeront une nouvelle civilisation. Occulte? D'accord. C'est normal, puisque ces hommes auront un autre taux vibratoire. Mais le point que je veux faire sentir suite à la mise en scène de M. Payotte, et le point que je veux faire ressortir de ceux qui ne me comprennent pas bien, surtout dans le domaine ésotérique et dans le domaine métaphysique, dans le domaine occulte, parce que j'ai déjà dit à la télévision, un jour, l'ésotérisme et l'occultisme sera ébranlé dans ses fondations. Quand je dis que l'ésotérisme ou l'occultisme sera ébranlé dans ses fondations, je ne prends pas une position qui est en elle-même anti-ceci. Je ne suis pas anti-ésotérique ou anti-occulte ou anti-métaphysique ou anti-religieux ou anti-spirituel ou anti-science. Je regarde ces sphères d'un autre plan. Et là où ces sphères nuisent à l'évolution de l'homme, là où ces sphères, parce que l'homme ne possède pas encore suffisante puissance dans son mental pour s'engager dans la lutte contre la désinformation, c'est là que je m'oppose à ces sciences. Et je m'opposerai toujours à ces sciences. S'il y a un homme dans le monde qui travaille à la diffusion de l'ésotérisme et de l'occultisme, c'est bien moi. S'il y a un homme dans le monde qui travaille à la diffusion de la science, c'est bien moi. S'il y a un homme dans le monde qui travaille à l'équilibre entre la théologie et la métaphysique, c'est bien moi. Autrement dit, s'il y a un homme qui est neutre dans le travail qui doit être fait pour la reconstruction d'un homme neuf, c'est bien moi. Donc, je n'accepte pas qu'on croie que je suis anti-occulte ou anti-ésotérique, mais j'accepte qu'on réalise que je me lutterai toujours pour l'homme, l'individu qui est programmé par l'occulte, par l'ésotérisme, ou par une science qui n'est pas humaine, mais qui est foncièrement anti-homme. Et je vous assure que j'ai le pouvoir de le faire. Et je le ferai, comme je le fais. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le premier constat